âge. J'prends mon temps, j'mate la terre tranquillement, j'm'installe. Le monde sera meilleur un jour, j'ai mon cœur qui s'emballe. J'm'emballe ce monde de merde, j'le pense même si j'fume un con d'herbe ou j'me pète au whisky. Moi le meilleur des mondes, j'aurais déjà décollé. Au lieu de ça, j'vous laisse, j'préfère aller picoler. J'vous laisse avec tous vos mamas élevées dans ce monde impossible où le mal est levé. J'me laisse donc aller dans ce merdier de monde, entouré de vices plaisants, contrôlé par mes démons. J'vous lâche des mots de tête et j'suis lâche sur ce thème. J'envoie des mots tels quels, moi j'me lâche sur thème. J'me rassure peut-être en me disant que ma vie assure mène, ou bien peut-être que j'vaux mieux que ma rassure ben. Alors j'vous laisse ces quelques lettres posthumes avant de finir dans une boîte dans mon costume. J'respire et j'respire avant de m'asphyxier. Ce monde sointe et j'transpire le thème de Huxley. Si c'est ça le meilleur des mondes, gars j'te laisse sage. Fuck le national, moi j'm'en tape, je reste âge. J'prends mon temps, j'mate la terre tranquillement, j'm'installe. Le monde sera meilleur un jour, j'ai mon cœur qui s'emballe. Si c'est ça le meilleur des mondes, gars j'te laisse sage. Fuck le national, moi j'm'en tape, je reste âge. J'prends mon temps, j'mate la terre tranquillement, j'm'installe. Le monde sera meilleur un jour, j'ai mon cœur qui s'emballe. Je blesse avec un peu de moi, je blesse avec si peu de mots. Même si on m'apprécie, je vaux à peu près la même chose que toi. Je vous laisse avec la totalité de mes emmerdes. Brûlez-moi, éparpillez mes poussières en pleine mer. Je vous laisse atomiser ce monde, vu que c'est ce qu'on fait avec succès. Sera pas le meilleur, sera pire que celui d'Huxley. Je vous laisse plonger dans une ère sans une ère sans. Pour vous accompagner, je balance un dernier son. Je vous laisse méditer, je vous laisse hériter. Des fois, je suis un défaut parmi tant d'autres, mais est-ce que je l'ai mérité? Je vous laisse ce que j'avais, enfin j'aurais tout fait pour toi. Je me saoulais, c'était pour ça, je vous laisse, vous savez pourquoi. Je t'invite à passer quelques instants dans ma tête, dans ma peau, dans ma vie, dans ma musique, dans mes textes. J'ai tiré le gros lot direct, étrangement, c'est comme si j'établissais mon campement sur un nid direct. Si c'est ça le meilleur des mondes, gars, je te laisse sage. Fuck le national, moi je m'en tape, je reste âge. Je prends mon temps, je mate la terre tranquillement, je m'installe. Le monde sera meilleur un jour, j'ai mon cœur qui s'emballe. Si c'est ça le meilleur des mondes, gars, je te laisse sage. Fuck le national, moi je m'en tape, je reste âge. Je prends mon temps, je mate la terre tranquillement, je m'installe. Le monde sera meilleur un jour, j'ai mon cœur qui s'emballe.